Bah moi, je peux parler de l'intensité de ma dépression de ce matin. Ah ouais, vas-y. Ouais. Et bah j'étais très très déprimée. Mais il y a des disciplines qui permettent aussi d'apprendre à essayer de canaliser ces intensités, ces énergies en fait, un peu comme ça. Et puis comme ça, moi c'est inexplicable. On fait ça, je tombe en dépression. On fait ça, je tombe en phase maniaque. Mmh. Accueillir l'intensité. Des échanges dans le jardin et la salle des colonnes de Laborde à Courcheverny. Donc il y a rien, il n'y a pas un événement, il n'y a pas un. C'est quelqu'un qui ne me parle pas ou qui ne répond pas à mon bonjour, et tout d'un coup je descends ou je monte. Je pense que l'intensité, c'est d'abord c'est une mesure. Pas forcément rattaché directement, enfin le mot lui-même n'est pas rattaché à une nature, ça ne définit pas ce que ça mesure, donc c'est juste sur une échelle qui va de 0 à 0, probablement l'infini, pour peu que les corps soient adaptables. Mais ouais, elle est associée à rien du coup. Si on a, quand on la vit, c'est très rare de la vivre, de vivre l'intensité détachée de toute nature, on vit l'intensité à travers une émotion, quelle qu'elle soit négative ou positive, ou même une pensée. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans des moments. Je sais pas, là je pense par exemple à l'intensité amoureuse. Ouais. Être très amoureux, mais trop amoureux, quoi, que ça me déborde complètement, ouais. Que je sais pas comment faire et que ça dure trop longtemps et que ça m'épuise par exemple. Ouais. Ça m'est déjà arrivé ça. Vraiment. Ouais. Ça me fait penser à ce que tu dis. Non, mais je te compare pas à un saumon en rue. t'imagines que quand même dans la nature ça existe ça. C'est, lors des périodes de reproduction, enfin c'est pas tout à fait assimilable à une période amoureuse, mais quand même il y a un peu les mêmes hormones qui rentrent en jeu. Quand ils remontent les courants d'eau pour revenir aux sources, mais ils sont déformés les saumons et jusqu'à pratiquement être morts d'épuisement et jusqu'à enfin pondre leurs œufs. Et ça, donc c'est dans la nature, mais ça doit être d'une intensité terrible parce qu'ils trouvent quand même les moyens de remonter les torrents, de trouver. C'est quand même qu'ils traversent la chambre, t'as un truc de fou. Ouais. C'est vraiment un truc de fou, mais y arrive. Mais je te compare pas à un saumon. Ça peut arriver à tout le monde. J'ai des ancêtres communs avec le saumon, ça me dérange pas. Des fois, je trouve dans le couple, quand on est très amoureux et qu'il y en a un qui l'exprime peut-être plus que l'autre et tout ça, on peut être aussi débordé un peu de tant d'amour. On sait pas quoi en faire et des fois ça peut être comme ça, intense. Mais on est débordé, quoi, je sais pas comment dire. En même temps, c'est bien aussi un peu dans l'amour, c'est que justement ça déborde un peu, ça change un peu. C'est, enfin, je sais pas, c'est une autre façon, une autre relation, je sais pas comment dire, que par exemple là, ici, on peut être débordé ici, mais beaucoup moins que à deux. À deux, c'est plus. Parce qu'à deux, ça pose des limites, des règles, des respects de l'autre aussi. Du coup, les débordements sont plus problématiques à gérer, quoi. Mais dans un espace ouvert, les liens sont pas. Vraiment à 200 au sens à deux, ça se libère plus naturellement à plusieurs personnes. Là, ça ne peut pas se libérer à droite, ça se libère à un autre. Puis dans un couple, ça repose vraiment sur une personne, et donc du coup, c'est forcément plus dur à libérer, quoi. Ah oui. Donc il faut parler de la tension aussi alors. Tension et intensité. Ouais. Et de la résistance qui dégage de la puissance. Est-ce que c'est quelque chose qui peut durer, l'intensité, ou est-ce que c'est fugitif, fugace, comme la passion, la fusion. Mais ça peut s'inscrire dans la durée, mais l'intensité, c'est en général quelque chose qui dure pas longtemps. Moi, je me demande si c'est quelque chose qu'on peut travailler. Est-ce qu'on peut travailler sur l'intensité pour que les émotions soient plus... Pas les émotions, parce que ça, pour le coup, on reçoit. Mais travailler à s'offrir plus d'intensité. Est-ce que c'est une donnée qui peut être, développée, ou c'est quelque chose qui nous échappe complètement ? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a du pouvoir sur l'intensité qu'on vit ? Parce que je sais pas vous, moi j'aime l'intensité comme tout le monde, et c'est quelque chose qui, mais c'est lié aussi aux maladies psychiques, je trouve. L'intensité, ça fait partie aussi des symptômes, et pas forcément toujours positifs, de pas mal de maladies en fait. Tu vis les choses de manière plus intense qu'une personne lambda, parce que une dépression, la bipolarité, c'est l'intensité. L'intensité de la manie, l'intensité de la dépression. Mais il y a de la bonne intensité aussi, qui est le fait de se sentir vivant, très vivant. Moi, parfois, je souffre intensément, pour rien, gratuitement. Comme ça, je me dis que je vis ma maladie mentale dans des fantasmes délirants, que sont les voix que j'entends. Je suis très difficile à soigner, très difficilement soignable. Ça peut rester des jours. C'est une sorte de noirceur dans laquelle je me mets, qui me rend redoutable pour les autres, j'ai l'impression aussi. Personnellement, je suis bipolaire. Ça dure sur un an, tout doucement. Je monte, je fais des efforts à ma force. Quand j'arrive tout en haut, je suis tellement satisfaite que je m'en vais. Je reste mort, je reste stationnaire. Tout ce que j'ai rêvé, tout ce que j'ai imaginé ne se réalise pas. Et là, je tombe dans la gouffre, je tombe. Et là, c'est la grosse dépression. Je souffre d'une psychose maladico-dépressive, donc ce que dit Annie France en parlant bipolaire. Bipolaire, ça prend pas en compte la gravité de la maladie. Bipolaire, c'est un peu elle sourit, un peu elle est triste. Alors que moi, c'est quand je suis en dépression, je suis dans mon lit, je ne sors que pour aller manger, parce que malheureusement j'ai encore faim, en priant qu'une fausse route m'empêche de vivre et me tue directement. Voilà, parce que j'ai pas le courage, je n'arrive plus à me tuer. J'ai essayé plein de techniques, rien n'a marché. La mort n'a pas voulu de moi. Et j'avais demandé à un psychiatre de donner une dose létale. Et il m'avait dit, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous aider à guérir, à aller mieux. J'ai dit, mais oui, mais vous pouvez connaître un petit peu mieux que moi les médicaments. Et vous pourriez me donner une dose bien costaud. Et vous m'aideriez, si vous voulez m'aider, aidez-moi, assistez-moi au suicide. Pour l'instant, il faut, si tu as une maladie physiologique, ça passe, mais si c'est psychique, ça passe pas. Le suicide est un droit inaliénable. Si c'est pas toujours, rien. Si justement, c'est justement ça, le contraire. Et ça, en fait, même quand on a des responsabilités, quand on est parent, moi je suis père, j'ai deux enfants, je considère que le suicide est un droit inaliénable. J'ai pas décidé consciemment de vivre. Après, il y a toutes sortes de croyances qui sont là, mais moi j'ai pas dit je veux vivre, la vie était là. Je compose avec, parce que c'est vrai que ça n'a pas le choix, hein, en fait. On n'a pas le choix, et puis des fois on se sent bien, des fois on se sent moins bien. Mais du coup, décider que ce dans quoi on a été pris, non pas par un acte volontaire, mais par un hasard, c'est un hasard qui fait qu'il y a un spermatozoïde parmi tant d'autres arrive à féconder un ovule, c'est un hasard. On a le droit de dire, bon, bah, voilà, je m'en retire de ça, je retire ça. Avec peut-être le sens de premier de regretter, mais d'assumer ça, et que même si on a la responsabilité, on a le droit de ne plus être là. Et que c'est pas un drame, en fait. Quelle intensité on a quand on meurt, c'est la grande question. Je sais pas, l'intensité, c'est souvent quand ça déborde un peu, quoi, qu'il y a un peu trop d'énergie. C'est l'énergie qui peut être partagée entre plusieurs personnes. Ah oui, tout à fait. Puis quand il y a trop d'énergie, ouais, forcément, ça atteint un point de. Comme quand on fait chauffer une casserole sur le feu, il y a un moment qui arrive où c'est très chaud. Ça déborde. Ouais. Ça déborde, oui, quelquefois les gens débordent. Pour toi, ça serait plutôt négatif. J'aime pas ça. Non, pas forcément. Non. Parce que les choux, ça peut être très bon. Vous connaissez le syndrome de Stendhal? C'est Stendhal qui est en Italie et qui se trouve devant une peinture du Quattrocento, de Giotto notamment, et qui s'évanouit, qui fait un malaise devant trop de beauté. Et c'est le paroxysme d'intensité, quoi, le syndrome de Stendhal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne peut plus absorber, accueillir justement une intensité qui le dépasse et qui le foudroie, quoi. Je veux dire, il peut plus accueillir l'intensité. Il déborde, comme tu dis. Il déborde. Pas toi, il déborde. Mais vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que tout est intense derrière. Je pense à la méditation qui t'amène à une forme d'intensité, alors qu'on pourrait croire qu'on se calme, on se régule, etc. En vérité, en fait, quand tu laisses tomber tous les artefacts, tu sais, l'apparence de la vie avec notre nervosité, notre capacité à gérer les émotions, et quand tout ça retombe et que tu es juste présent avec ton corps à un moment T, tu as accès à un monde d'intensité, en fait, tout, les couleurs, parce que ta vibration elle est juste, t'es posé dans quelque chose de juste, et là t'as accès, je connais pas de méditation qui a été réussie sans un accès à l'intensité, et c'est une intensité apaisante. En fait, le monde, la vie est hyper intense, on recherche les émotions fortes, on a besoin d'intensité pour éprouver quelque chose, il y a une facilité aussi avec l'intensité, qui est qu'on ne cherche pas forcément des choses subtiles, ça arrive en gros, quoi. En masse, c'est opaque, c'est massif. L'intensité, elle n'est pas raffinée. Et du coup, c'est peut-être une flemme, Est-ce que tu parles d'intensité quand tu dis ça? Bah oui, du coup, parce que je pensais à des gens qui recherchent des émotions fortes pour vivre et qui ne peuvent pas vivre sous une certaine intensité. Dans ma vie, j'ai écouté 5 ans de Moïse Zen, quoi, qui est à la Lombrière, qui est un peu pas loin d'ici. Et après, pendant 3-4 ans, j'étais dans un centre tibétain, le même régime tibétain, j'ai resté 4 ans. Et ça m'a vachement aidé dans ma vie de consommer les produits ici. Alors que psychotrope. Tu sais, les hallucinations, les trucs à vue, la nuit. Et moi, j'ai. J'ai plusieurs. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. J'ai plusieurs questions à te poser. Enfin, j'en ai deux. Est-ce que tu arrives à faire la méditation, toi, tout seul, dans ton coin Ça m'arrive dans ma chambre. Ouais, d'accord. C'est les meilleures méditations. Et est-ce que, quand tu prenais des psychotropes, est-ce que c'était une recherche d'intensité, justement? Moi, c'était une recherche de moi. Bah, la recherche, enfin la drogue, c'est par essence, c'est la recherche d'intensité. Ouais. Hein. Ouais. C'est le vecteur de la drogue. Enfin, c'est ça qui nous pousse à nous droguer, c'est l'intensité. Ah oui, bah oui, moi justement, c'est toute la drogue. J'ai pas de tabou là-dessus. C'est un peu ma problématique, c'est que pendant longtemps, j'ai eu besoin de consommation pour chercher justement l'intensité, notamment dans l'art. Dans l'artistique, on dessinait quoi. Je dessinais, je dansais, voilà, que je n'arrive pas à voir sans. J'ai que de l'écriture. Ah ouais. Pour l'instant. Du coup, c'est compliqué de. Voilà. À accepter. À accepter quand t'as connu ça et que tu dis waouh, c'est super. Naturellement, même quand on s'investit pour ressentir de l'intensité dans la vraie vie, entre guillemets, et ben, le moment où l'intensité va se déclarer, ça ne dépend pas que de toi, parce que c'est avec les autres, c'est avec et c'est plus aléatoire. Et donc du coup, c'est pas obligé que ça se réalise. Tandis qu'avec la drogue, on sait que l'intensité va être là sur. Donc c'est plus facile, plus rassurant. Plus facile, plus rassurant. Et ouais, mais c'est aussi la beauté de la vie, d'accepter l'aléatoire, se dire on sait pas quand ça va venir. C'est la patience. Oui, c'est ça, c'est prendre un peu sur soi pour apprendre à patienter. Il n'y a pas forcément toujours des moments intenses. Sauf quand tu as vécu constamment dans l'intensité par rapport à tes traumatismes, tu as des traumas qui font vivre intensément, tu as les hospitalisations, tu as la drogue, tu as un tas de choses. Après, tu peux vraiment être handicapé. Handicapé, c'est-à-dire que tu ne sais réellement pas provoquer de l'intensité dans quoi que ce soit. C'est phénomène d'intensité, c'est une façon de voir les choses en fait. Et est-ce que c'est pas des discours. C'est un regard en fait, intensité. C'est retrouver ton propre regard, quoi. Moi, c'est bien de les faire taire, les voix, mais en fait, je pense que c'est constitutif de la psyché, on va dire schizophrène, dans cette faculté à générer des voix diverses. En fait, c'est bien de faire taire en guillemets quand on nous harcèle. Oui, pour ne pas être trop parasité. Mais c'est aussi important de réaliser que dans sa psyché propre, il y a cette force à produire. Et cette richesse dont tu parlais. Il y a cette capacité à produire des voix différentes. Et quand c'est subi, ça devient pénible. Et quand c'est géré intelligemment, ça peut être une sorte de plaisir et de parole, de langage. De créativité. Vous avez entendu les voix et les silences d'Agnès, André, Annie, Annie-France, Baptiste, Camille, Caroline, Claire, Denise, Émilie, Gérald, Gilbert, Yvan, Jean-Seb, Julien, Lara, Laurent, Leïla, Lucille, Margot, Ortie, Pierre, Polly et Sébastien. Ces échanges ont été enregistrés au cours d'une visite du collectif Vidrado aux Labordiens et Labordiennes en mars 2024. Nous les remercions chaudement pour leur accueil et leur hospitalité. Le thème « Accueillir l'intensité » est emprunté aux rencontres autour du social, de la psychiatrie, du soin et de l'accueil qui ont lieu en mai 2024 au Compère, dans le Tarn. Merci à Antoine, Jérém, Nicolas et Ortie pour la musique, ainsi qu'aux oiseaux et ânes de Courcheverny et aux portes et pianos du château pour l'ambiance sonore. Vidrado est un collectif qui s'est assemblé à l'occasion d'une série d'événements autour des questions de santé mentale et sous ses trois autres mots, accueil, soins, hospitalité. Nous vivons dans le Finistère Sud et il est possible de nous contacter par mail à vidrado@riseup.net, vie au pluriel.